posé dans ma cellule, je repense à toi. De faire bélec, comme un con, moi j'ai pas écouté. Toi tu pouvais niquer tout, le bénéf, mais t'as raté le coche. Je reste toujours titulaire, sans l'enter, faut pas changer de course. Fallait juste me laisser du temps, personne va nous canaliser, mais diminuez-moi. Je suis répété, j'ai traîné dans le sang, je suis devenu un patron.